C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans tes cheveux d'Esmeralda. Belle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner ses yeux du Dieu éternel? Ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi le criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien, semble soudain porter la croix du laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Yeah.